La traversée de l'Hudson, de Peter Stefan Jung. Mon fils a derrière lui 29 heures de voyage. Vous voyez pas qu'il en peut plus? Ça saute pourtant aux yeux. Non, sur un pont que tu ne connais pas, le Tappan Zee. Je me suis trompé de route tout à l'heure, mais tout est rentré dans l'ordre. Je sais de quoi il retourne. Si ma vessie n'était pas si pleine, j'irais voir ça tout de suite, mais je peux pas pour l'instant. De quoi parles-tu? Notre bourgier est là, sous le pont, nu, étendu de tout son long. Fiston, bourge que j'aime, dis à maman qu'il ne faut pas qu'elle me domine aussi terriblement. Sans arrêt, sans arrêt. Troisième épisode. Déplaisant. Je trouve ça très gênant que les gens voient papa ainsi. Il faut nous dépêcher d'aller jusqu'au-dessus de son... Tu me comprends. Et d'en haut, nous jetterons sur lui une veste ou quelque chose de pris dans tes bagages. Jamais elle n'aurait prononcé le mot « sexe ». Gustave ne se souvenait pas. Qu'avait-elle bien pu dire à la place, lorsqu'il était enfant? Ton petit oiseau? Ton robinet? Ta quéquette? Ton zizi? Maman, comment appelais-tu mon... Tu me comprends. Dans le temps, je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus non plus. Je n'ai vraiment pas la tête à ça en ce moment. Comment son père appelait-il le pénis? Et pas seulement le sien, mais aussi celui de son fils. Ou bien, ne l'avait-il jamais nommé? Vois-tu, mon petit Butch, il me semble qu'il est temps aujourd'hui de t'expliquer certaines choses. Ludwig avait fait l'éducation sexuelle de Gustave lorsque celui-ci avait 10 ans. Ils étaient étendus, comme bien souvent, sur le lit des parents, dans le clair-obscur d'une fin d'après-midi. Bien que les cigognes n'y soient pas pour grand-chose. Les roses et les choux non plus, d'ailleurs. Gustave écouta attentivement. Tu sais bien, et il comprit ce jour-là que l'homme, avec le même organe qui sert à faire pipi, perd aussi la semence avec laquelle on fait des enfants. Quand on faisait pipi, le germe tombait donc dans la cuvette. Voilà ce que Gustave retint de ses explications. Cette semence, l'homme la mettait ensuite dans la femme. Et là, elle se combinait à un œuf. Et c'est ce qui donnait ensuite, au bout de 9 mois, des garçons ou des filles. Gustave avait tout bien compris, bien que la procédure ne lui parût pas trop réjouissante. Peut sortir du ventre de la femme. Voilà. Profite-en pour mettre ton maillot de corps, il fera certainement frais tout à l'heure. Tiens, ça? Oui, c'est bien. C'est bien, un truc moche comme ça, c'est bien. D'où elle te vient, cette veste? Sûrement de Mad, hein? C'est ça? Ils se frayèrent un chemin jusqu'au bord du pont. Aide-moi. En visant cette fois un endroit se trouvant à une bonne distance plus à l'est. Rosa étala la veste sur la poutrelle métallique, puis des deux mains la lança dans le vide. Le vent chassa le vêtement sous le pont, vers le nord, où il fut rapidement englouti par les flots. Mais la veste n'aurait même pas recouvert un tout petit morceau de cette nudité, à supposer qu'elle eût atteint son but, et aucun des deux n'y avait réfléchi. Nous sommes différents, Gustave. Nous sommes autres que les autres. Nous n'avons pas de famille. Nous avons survécu à nos parents et nous en sommes gênés. Les parents de ta mère ont été poussés dans des wagons à bestiaux alors que nous avons réussi à fuir, Rosa et moi. Nous sommes enfuis devant la mort. Et maintenant, nous avons honte d'être vivants. Pour m'empêcher d'y penser, j'ai fondé une famille avec ta mère, qui éprouvait tout à fait la même chose, et qui avait encore moins de famille que moi. Nous sommes différents des autres parents, môme et moi. Ce sentiment de la famille est noué et incarné par toi, Gustave. Tu es nous. Je suis à elle. Rosa et nous. Nous sommes toi. Nous sommes un tout charnel. Le tout charnel rubine. Lorsque sa mère apprit en 1945, elle avait 30 ans, qu'il était très probable et pratiquement certain que ses parents avaient été tués, une large mèche de ses cheveux blanchis du jour au lendemain. Elle était incapable de marcher. Elle passa des mois alitée. Karl Böhler, un élève de Sigmund Freud, que Rosa alla consulter dès qu'elle put à nouveau faire 100 pas sans s'effondrer, lui donna ce conseil. Vous devez fonder une nouvelle famille. Vous devez mettre des enfants au monde. Vous ne pourrez survivre qu'ainsi, comme mère, comme fondatrice d'une nouvelle famille. Gustave, l'enfant unique, devint la survie de Rosa. « Nous sommes un tout charnel, mes parents et moi », déclara Gustave à ses premières amies. Et c'est encore ce qu'il expliqua à Madeleine, qui était partie de l'idée que son attachement pour ses parents se relâcherait à la longue, voire se romprait. Richard Lichtman avait trouvé pour son amie une jeune fille religieuse, la fille de négociant français en textile, à une époque où Gustave s'enfonçait de plus en plus dans une vie désordonnée qui lui apportait peu de joie, plutôt de la douleur et de la honte. Il entendait faire de Gustave un juif religieux, et il était dit qu'il y arriverait. Grâce à Madeleine, l'ami se transforma peu à peu, c'était incroyable, en un juif pieux. L'anarchiste commença à respecter le Shabbat et à suivre les prescriptions alimentaires. Il ne se contenta plus d'aller à la synagogue seulement les jours de grandes fêtes. Il prit à cœur chaque lettre de la Torah et resta, en même temps, le petit garçon de ses parents, comme il l'avait toujours été, le troisième tiers du tout Rubin. Sa mère était furieuse. Non seulement tu deviens religieuse qui m'agace prodigieusement, mais en plus, tu vis avec une séfarade. Mais ça va pas du tout avec nous. Enfin, tu dois pourtant le savoir. Ce que je prenais chez elle pour du tempérament, c'est en réalité de l'asthme. T'as même pas été capable de trouver une femme en bonne santé. Il a fallu que ce soit une petite nature. Qu'est-ce que nous avons fait de travers, ton père et moi, pour que tu ailles faire un aussi mauvais choix? La femme avec laquelle il vivait et qu'il croyait aimer ne vint pas occuper le centre de sa vie. Son père et sa mère demeurèrent le fondement de son existence. Je crains que tu ne doives t'y préparer psychiquement, mon ange. Une fois mort, ils continueront de surveiller et de condamner mes erreurs et mes omissions comme ils l'auront fait jusque-là de leur vivant. Les survivants écoutent les voix de leur mort jusqu'au moment où c'est leur tour de mourir. Et de laisser derrière eux des enfants qui les écoutent. Et peut-être est-ce d'ailleurs bien comme ça de porter en soi-même toute sa vie, cette mélancolie, de devoir toute sa vie, dans ses songes et ses rêves éveillés, rencontrer sans cesse les pères et les mères. Il faut vraiment que nous fassions quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça, Gustave. Tu dois tenter l'impossible. Je t'en prie, fais quelque chose. On ne peut tout de même pas le laisser coucher comme ça. On voit ses fesses. Que veux-tu que je fasse, môme? Je peux quand même pas aller à la nage jusqu'à l'endroit voulu. Et même alors, qu'est-ce que j'y ferai? Quand on veut, on peut. À Hollywood, un jour, quand j'étais jeune, à une soirée chez Errol Flynn, je me suis agenouillée devant Ernst Lubitsch. Par vénération, naturellement, par admiration. Il a posé sa gigantesque main sur ma tête et il m'a dit, rappelez-vous une chose, mon enfant, mais vous pouvez la retenir pour le reste de votre vie. Avec la volonté, on arrive à tout. À tout! Mais lancez quelque chose d'ici, môme. Ça ne marche pas non plus, tu l'as bien vu. D'ailleurs, indépendamment de ça, personne ne sait que c'est notre papa qui est couché là. Nous sommes en train de nous faire des idées. Je vais demander à des gens ce qu'ils voient là en bas. Nous déciderons ensuite quoi faire. Elle interpella une dame d'un certain âge qui était assise dans sa sabe, portière ouverte, en train d'éplucher une orange, et lui demanda si elle avait un instant pour lui rendre un petit service. Des yeux si clairs, si limpides. J'en ai rarement vu d'aussi fascinants. Vos yeux sont plus beaux, plus intenses que les yeux de votre fils. Si tant est que ce monsieur soit votre fils. C'est très curieux. On dirait qu'il y a là un gigantesque corps d'homme nu. Mais le plus étrange, c'est que ces concrétions minérales ressemblent à mon mari. Le capitaine de vaisseau Selfridge, décédé voilà 8 ans. Concrétions minérales. Des concrétions minérales. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit ? Enchanté, mon nom est Gene Wesley Hulder. Vous m'avez déjà filmé? Pas encore? Vous n'avez peut-être pas de caméra vidéo? Maman, on pourrait peut-être lui demander de... Mais demandez-moi! Demandez-moi! Vos désirs seront des ordres. Sachez qu'en effet, je suis artiste. Je viens de San Antonio, Texas, de là où eut lieu la célèbre bataille d'Alamo. C'est la réalité qui est mon écran, si vous comprenez ce que je veux dire. Je joue dans des milliers de films d'amateurs. Partout où se trouvent des touristes, je me glisse dans leurs images vidéo. On peut me retrouver à l'écran, dans le monde entier, chez soi, une fois rentré de voyage. Et là, on se demande avec étonnement, mais qui est ce type qui fait signe avec ce sourire rigolo? C'est moi, Gene Wesley Hulder. Auriez-vous, je vous prie la bonté de comprendre que j'ai derrière moi une rude journée et que j'ai besoin d'un peu de repos. Du repos? Sur le Tappan Zee? Quand on est prisonnier du destin, qu'on est captif de Manitou, mais c'est le dieu des Indiens, sachez-le, qui nous retient ici aujourd'hui. Lui seul règne sur ces lieux. Nous nous trouvons au cœur d'antiques territoires indiens. Grand merci pour votre exposé. Nous permettrez-vous à présent de poursuivre notre chemin sans que vous nous importuniez davantage? Je n'ai pas vu mon fils depuis des mois et je souhaiterais être seul avec lui. Merci. Je voulais juste vous faire un petit plaisir, madame, c'est tout. Je vous souhaite le bonjour. Et n'oubliez pas, tout dans la nature tient sa forme de la sphère, du cône et du cylindre. J'ai rarement vu un casse-pied pareil. Et j'en ai connu beaucoup de casse-pieds dans ma vie. Et tu as vu cette boucle stupide à son oreille? Gustave regarda le fleuve en bas. Il était bien là, s'étendant sur des kilomètres, le corps de son père, majestueux et nu comme un ver. Les parents de Gustave prenaient leur bain avec lui dans la même baignoire jusqu'à ses 14 ou 15 ans. Il traversait l'appartement tout nu jusqu'à ses 17 ans, plus tard même, jusqu'à ce qu'il quitte la maison. Étendu dans la baignoire, le père dispensait assez souvent à son fils des conseils pour la conduite de sa vie. Le fils était assis sur le couvercle des toilettes, considérant son père comme un véritable professeur. Ce n'est qu'à partir de 20 ans qu'il commença d'accorder de moins en moins de valeur aux conseils paternels, erreur qu'il commença à regretter lorsqu'il eut 40 ans. Jusqu'à 15 ans, il adorait le dimanche de bonne heure ou dans la matinée, les parents dormaient particulièrement tard le dimanche, se glisser dans leur lit et s'y coucher au milieu, lui en pyjama, son père et sa mère nus. Gustave, comme une passerelle, nichée entre ses parents, qui s'embrassait en lui passant dessus et le couvrait lui-même de baisers. Parfois il disparaissait en plongeant, se dérobait aux baisers, se réfugiait sous les immenses couettes. Se tapissait dans un sous-sol où il imaginait des pièces, des cuisines, des chambres d'enfants. Le buisson de la mère et la queue du père, avec sa touffe de poils frisés, gris et blancs, avaient accompagné l'enfance et la jeunesse de Gustave comme des choses toutes naturelles. Avant 16 ans, il ne comprenait pourtant pas par où l'homme pénétrait dans la femme. Que la porte du paradis était dissimulée entre les jambes, il n'en eut la révélation que lorsqu'il eut en main les premiers cahiers sur papier glacé que le père enfouissait dans d'innombrables sacs en plastique. Ces cahiers chauds étaient fourrés au milieu de paquets de journaux, d'articles découpés, ou dans des tas d'essais et de résumés de conférences rapportés par le père de congrès et de colloques, tout en couleurs, jambes écartées, langue humide, lèvres béantes, et tout ça plein d'humeur ruisselante. Quand j'étais un adolescent et plus tard un jeune homme, jamais je ne verrouillais la porte des toilettes dans le train ou au restaurant, dans l'espoir que quelqu'un ouvre et me trouve là, debout, mon affaire à la main. Tu ne fais jamais ça? Non? Ah, bizarre. À quel point nous sommes différents. Ludwig conservait certaines bandes magnétiques. Gustave les découvrit. Elles aussi, dans les profondeurs des sacs en plastique. Documents des aventures amoureuses du père dans des villes étrangères, enregistrés dans des hôtels ou dans les appartements de ses innombrables conquêtes. Souvent, tandis qu'il chevauchait vers l'orgasme, il faisait tourner un petit magnétophone à cassette. Les bandes, placées dans de simples enveloppes, étaient étiquetées « ajoutées » ou « endommagées » ou « sans intérêt ». C'étaient les témoignages des adultères de Ludwig, qui avaient débuté dès les premiers jours après son mariage et n'avaient pris fin que juste avant son attaque. C'était une obsession que Gustave enviait à son père et qui avait été pour Ludwig l'aiguillon, le moteur, la loi et la substance de sa vie comme aucune autre force ne l'avait été. Lorsque je vois une belle femme, je ressens cela comme le plus grand miracle qu'il y ait en ce monde. Toutes les fusées, tous les avions supersoniques, même mes propres recherches nucléaires et celles de mes confrères, tout cela, je n'en ai rien à faire. À côté d'un tel prodige, le miracle du corps féminin. Ce frémissement d'une femme, simplement dès qu'on l'embrasse. À chaque femme que je croise, que ce soit à Paris, Londres, New York ou Tokyo, je me représente que j'aimerais me déchaîner avec elle. Je dresse en pensée des listes de celles qui seraient possibles, parmi celles que je vois. Il n'y a qu'une condition préalable, il faut qu'elles aient moins de 40 ans. À partir de là, le jeu se déroule ainsi. Je regarde attentivement une femme qui passe en se promenant, non. Je me dis aussitôt pas elle. 2, 3, 4, non. La cinquième, oh, idéal. Crois-moi, sur 100 dames, il n'y en a jamais plus de 20 qui feraient l'affaire. 22 tout au plus. Encore qu'à Paris, à savoir dans les 6e et 7e arrondissements, je sois parvenu par un jour d'avril 1967 au plus fort pourcentage que j'ai jamais obtenu. 31 sur 100. Gustave aurait bien voulu montrer autant d'énergie vitale que Ludwig. La liste de ses propres conquêtes ne totalisait, au moment où il s'était marié, qu'une fraction de celle de son père. Et elle ne s'allongea guère par la suite. Au contraire, il ne voulut ou ne put guère y ajouter grand-chose de notable. L'acte d'amour, Ludwig Rubin l'appelait systématiquement et exclusivement un numéro. Dieu sait que c'était un numéro formidable. Notre meilleur. Je sais enfin pourquoi je suis venu au monde. Pour des moments comme celui-ci. Ma seule consolation, c'est d'être sûre qu'il m'a toujours été fidèle. À part une ou deux minuscules exceptions. Cet après-midi-là, sur le Tappanzi, Gustave n'ébranla pas les fondements de la foi qu'avait Rosa en la fidélité du père. Foi qu'il avait naguère tenté, sans aucun succès, de lui ôter de la tête. Elle faisait confiance au caractère bien trempé de Ludwig. Qu'il se serra tendrement contre elle, la nuit, cela suffisait à Rosa comme preuve d'une affection débordante et même de son désir et de sa capacité de l'aimer. Même après de grandes scènes, si gravement qu'ils se fussent disputés, la nuit venue, ils se pelotonnaient l'un contre l'autre, étroitement. Et tout allait bien de nouveau. Ou presque. Et toi, as-tu été tout aussi vertueuse que papa ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Lui as-tu été fidèle aussi absolument qu'il te l'a été ? On ne pose pas une question pareille à sa mère. Je te la pose quand même. Bon, tu es capable de te faire ton idée. Hein? T'as assez d'imagination pour ça, non? Et en plus, il s'est intéressé à moi jusqu'au bout. Vraiment intéressé, y compris physiquement, je veux dire. Mais je t'ai raconté ça tout à l'heure. As-tu la mémoire si courte? Mon unique enfant a aussi peu de mémoire qu'un lézard. L'une des principales raisons de ma manie de voyager sans arrêt, c'est naturellement ta mère. Je la supporte pas. J'ai besoin de souffler. Au bout de quelques jours, je n'en peux plus. Je refuserai bien nombre de mes conférences, mais j'accepte pour lui échapper. Pour ne pas l'avoir en permanence à mes côtés. Avec ça, je l'aime vraiment, tu peux me croire. Et ensuite, je rentre à la maison et je me serre contre elle la nuit. C'est ainsi que ça doit être. Et dès le lendemain, hélas, elle me tape à nouveau sur les nerfs. Lorsque Ludwig eut 50 ans, Gustave se mit à craindre qu'à la longue, son père ne supporte plus les fatigues des voyages, des conférences, des débats dans le monde entier, et qu'il fasse un infarctus. Était-ce à dessein qu'il s'imposait une fatigue excessive, systématiquement, dans l'espoir d'être fauché un jour, au milieu de ses efforts exagérés, de tomber raide mort en pleine action? Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé depuis notre dernière promenade. Au fond, une semaine de voyage plutôt typique, comme tu vas voir. Je suis parti le 3 novembre de Vienne pour Berlin. J'y suis arrivé par le dernier train. Je suis descendu à l'hôtel et j'ai travaillé jusqu'à 1h du matin à ma conférence du lendemain, pour le Lions Club. Je n'avais naturellement rien préparé, comme d'habitude. Le thème du colloque était l'homme sous-développé. Or, moi, j'ai plaidé avec une joie extraordinaire pour les étudiants de 68 à Berlin. Et pour la jeunesse en général. Eh bien, je m'attendais à ce que ces hommes sérieux se ruent sur moi et me couvrent d'injures. Or, ils ont été formidablement gentils. J'ai empoché mes 2000 marques. Et ensuite, j'ai pris un avion pour Rome. Ça, c'était donc le 5. Pardonnez-nous, vous êtes le professeur Rubin. Oui. Quelle joie de vous rencontrer ici, professeur Rubin. Nous vous admirons beaucoup. Pouvons-nous vous demander un autographe? Mais bien sûr. Puis-je vous présenter mon fils? Il s'appelle Gustave. Il travaille comme historien. Bonjour, messieurs, dames. Dans ce genre de circonstances, il taisait toujours le véritable métier de son fils. Vous devez être très fier d'avoir un père aussi célèbre. Bien, nous n'allons pas vous embêter plus longtemps. Il en avait toujours été ainsi depuis la toute petite enfance de Gustave. Où qu'il aille, qu'il dise son nom à n'importe qui, toujours et partout cela donnait « Vous êtes peut-être un parent de Ludwig Rubin ». Et dès qu'il disait oui, avouant même qu'il était son fils unique, cela déclenchait un flot de louanges et d'admiration qui se déversait sur sa tête. On le félicitait, on l'enviait d'être l'enfant d'un homme aussi grandiose, aussi important, aussi intelligent. Ainsi, vous êtes le fils de Ludwig Rubin. Ils étaient quand même charmants tous les deux, tu ne trouves pas? Alors, où en étais-je? Ah oui, Rome. Nous sommes allés chez Franca, mon ami de jeunesse. Auparavant, on avait eu une affreuse dispute, ta mère et moi, je ne me rappelle plus pourquoi. Elle était si pénible avec les gens de l'Institut, rien ne lui allait. Parti le lendemain de bonne heure pour Davos, où il y a eu de nouveau un colloque. C'est devenu ma spécialité. J'ai fait un long exposé. De Davos, je suis allé à Saint-Gall, pour une conférence à l'université sur l'énergie donc solaire. Donc je l'ai bu. Improvisant quelques ajouts, mais... À 9h du matin, j'ai pris le train pour Stuttgart. Ensuite, direction Zurich, où ta mère m'attendait. Ce trajet. Puis je suis allé à Bruxelles, la nuit, où il y avait une émission de télévision sur moi. J'étais un grand humaniste. Chanté mes louanges de l'Erasme du XXe siècle. Ce genre de blabla. Et hier, 10 novembre, je suis reparti prendre l'avion pour Vienne, retrouver ta mère. Et voilà, la boucle est bouclée. Mais maintenant, raconte-moi à toi, Bourchi. Qu'est-ce que tu as fait ces 7 derniers jours? Quelque chose d'intéressant? C'était La traversée de l'Hudson, de Peter Stefan Jung. Traduction, Bernard Lortolari. Adaptation, Julien Douminc. Troisième épisode, avec Daniel Lebrun, Mom, Christophe Giordano, Gustave, Jean-Gabriel Nordmann, Ludwig, Thibaut de Montalembert, le narrateur, et les voix de Laurence Mercier, Roland Timsit et Michel Rimbaud. Bruitage, Patrick Martinache. Musique originale composée par Dominique Massa et interprétée par Erwan Ricordo. Équipe de réalisation, Émilie Couette, Clémence Gross, Kevin Lebars, Julien Douminc, François Christophe. La traversée de l'Hudson est publiée aux éditions Jacqueline Chambon. May come here, since no one may stay.